Je passe mon temps à Péra, elle s'aperçoit les vitras. Y'a que ça qui me donne ma plénitude. En plénitude de la vie, je titube. Nique sa mère les traites qui sucent pour un petit tube. Je passe mon temps à Péra. Chaque texte, c'est un bout d'ivre en condensé. Taille après taille, bout, ivre à bout. Ça me saoule quand je vois trop de condensé. Discours cadencé, beaucoup d'envie, même si je dois tout recommencer. Je peux pas renoncer, le rap une passion. Écrit pour moi bien plus qu'un passe-temps. Je persiste et signe d'un X pour expert. Lève les bras et bouge la gueule, mon frère. L'air vénère et sombre, je rappe avec saveur. L'ombre de mon bonheur. J'ai pas honte d'avoir été dans le besoin, d'avoir fait de basse besogne, besoin de personne. Be one, le seul. Je trace avec ou sans méga. Par mégarde, j'ai cru que j'étais arrivé. Mais l'histoire a viré au cauchemar. Et pour cocher marre dans le froid, y'a un truc avec le doute, je crois que je suis sa proie. Broyer mes idées renois, et pérage qu'à me niquer la voix. Je déraille car ma vie est tracée. Et ma ville me manque, quel drame. J'ai mes proches pour animer ma flamme. Passe mon temps à Péra, et sa personne les vitres. Y'a que ça qui me donne ma plénitude. En pleine étude de la vie, je titube. Nique sa mère les traites qui sucent pour un petit tube. Je passe mon temps à Péra. Je redoute ce jour où j'aurai plus rien à dire. Ce jour où à mes propos personne n'adhère. Mon crew disparu, plus d'unité. Putain, j'ai des frissons à cette idée. J'aurais dead sans tous mes potes, sans ma puce, sans Mifa, c'est sûr, j'aurais mis le feu. Je peux pas être seul, déjà que entouré. J'aimerais plus souvent être sous, seul, y'aurait qui pour m'en empêcher. Seul, je ressasserai mes rancœurs avec du sky jusqu'à m'en écœurer. Plus d'inspiration, le jour où j'aurai un môme, je donnerai tellement que j'éteindrai mon Tellman. Vu que tout le monde se tape de ce que j'écris, même quand je crie, à chaque texte, du coup, c'est la déprime. Pas assez de distance avec mes émotions, m'ont-ils dit. Sais-tu où j'ai grandi? Non, tes discours me passent au-dessus. Même si par rapport à mes compétences, je suis un ton en deçà, comme de Saïe en 2002. Et quand je rappe, c'est comme un demi-dieu. J'y crois même pas, tiens mettons Sarko sur une croix. Martyr, comme cette jeunesse qui dénigre. Je passe mon temps à Péra, et ça personne les vitra. Y'a que ça qui me donne ma plénitude. En pleine étude de la vie, je titube. Nique sa mère aux traites qui suce pour un petit tube. Je passe mon temps à Péra, personne n'évitera. Je me retrouve toujours dans la solitude. Seulement faut rendre à l'évidence que seul ça avance pas. On savoure gars, la bravoure donne des médailles. Mais tu peux crever la dalle ma gueule. Hardcore à montre galvaudé. Soudé, anti-gal, jet-set, fiesta OD. Trop sous, tu finis en GAV. Oldel, prise de risque pour éviter la crise. Ah ouais, la crasse ne permet pas d'entendre écrase là. Pessimiste car rien n'est acquis. Sa mère à Johnny et au secteur à queue. Plutôt être dans l'ombre et prendre le maquis. Et mec, je connais même pas le sens du mot arqué. Trop saqué, sans la corde mon crew. Pas ce que dit, mais qu'est-ce que t'as cru. Et je passe mon temps à Péra, et sa personne les vitra. Y'a que ça qui me donne ma plénitude. En pleine étude de la vie, je titube. Nique sa mère les traites qui sucent pour un petit tube. Un petit tube. Et je passe mon temps à Péra, et sa personne les vitra. Y'a que ça qui me donne ma plénitude. En pleine étude de la vie, je titube. Nique sa mère les traites qui sucent pour un petit tube. Pour tous mes proches. PR, Dirus Colt, GY mon pote, Baron Prod, Casbah Prod, du son de pro, Baron Uno.